Parlez-vous avec X, Patrick Pénaud. Mensonge et précipitation, c'est, selon M. X, ce qui a caractérisé l'intervention franco-britannique en Libye en mars 2011. Une intervention militaire qui, au lieu de prendre quelques semaines, a en fait duré 8 mois. Et qui surtout est allé bien au-delà du mandat que l'ONU avait confié à Paris et Londres, c'est-à-dire la protection des civils. Car il semble bien que l'objectif réel poursuivi par les deux dirigeants occidentaux, sous couvert de l'OTAN, était l'élimination physique de Muammar Kadhafi, mais d'autres mensonges ont accompagné cette opération. Nous allons les examiner dans un instant. Précipitation aussi dans la reconnaissance d'une direction de la rébellion, le CNT, Comité National de Transition, dont les deux principaux personnages ont été, presque jusqu'au bout, des fidèles de Kadhafi. Et M. X soulignait qu'en l'occurrence, Bernard-Henri Lévy avait joué un rôle important en introduisant en particulier ses hommes à l'Élysée. BHL, encore lui, qui, en dénonçant le risque d'un massacre de civils à Benghazi, a donné en quelque sorte le feu vert des bombardements sur la Libye. Mais, comme dirait M. X, n'allons pas trop vite. Car il nous faudra également aborder l'épineuse question des relations de la France et de ses dirigeants avec le pouvoir libyen et son fantasque guide. Et surtout, des graves conséquences entraînées par la chute du régime libyen. Je claque ma haïté, j'ai blété lui. J'arrive vous, خبرني شو بتحلم شو بحلم خليني بسوح وقلبي معك أنا إلك عطول Commençons par ce qui apparaît aujourd'hui comme le mythe fondateur de l'intervention militaire franco-britannique en Libye. Le 19 mars 2011, une colonne de l'armée de Kadhafi, précédée par une vingtaine de chars, fait route en direction de Benghazi, la capitale de la Cyrénaïque. Benghazi, foyer originel de la rébellion. Un mois plus tôt, c'est exact. Après avoir subi une violente répression, les insurgés sont devenus les maîtres de la ville et se sont emparés des armes qui s'y trouvaient. Donc, ils ne sont pas sans défense. Mais Bernard-Henri Lévy pousse un cri d'alarme. Les habitants de Benghazi vont être massacrés. On va assister à un véritable bain de sang. Et comme l'écrivain à l'oreille du président Sarkozy, il est aussitôt entendu. Notre aviation improvise en toute urgence une opération. Les chars libyens sont détruits, Benghazi est sauvé et tout le monde d'applaudir. Mais vous, je ne vous sens pas vraiment convaincu. Non, parce que je crois que la menace a été exagérée. Les habitants insurgés de Benghazi, comme plus tard ceux de Misrata, avaient la possibilité de résister. Et puis, il faut tenir compte de la taille de la capitale de la Cyrénaïque, 800 000 habitants. La colonne de l'armée, même si elle avait pu approcher de la ville, aurait fort à faire pour s'en emparer. Enfin, seuls 4 chars ont été détruits par les frappes françaises. Mais le mythe a été plus fort que la réalité. Hein. D'autres mensonges ou altérations de la vérité? Comme dans toutes les guerres, la propagande a été omniprésente. D'un côté, il y a les bons et de l'autre, les méchants. Un peu trop simple. Et ça permet surtout d'exonérer les bons, ceux que nous soutenons des crimes qu'ils ont commis ou qu'ils commettront. Car les rebelles aussi ont beaucoup à se reprocher. Naturellement. Hein. Tawarga, une ville de 40 000 habitants, réputée pro-kadhafiste, a été pratiquement détruite par des rebelles venus de Misrata. Et je vous laisse imaginer quel a été le sort de sa population. Autre exemple. Le plus gros mensonge, le plus dramatique aussi, parce qu'il a été mortifère pour de nombreux innocents. C'est la fable des mercenaires africains de Kadhafi. Oui, alors que ces Noirs présents en Libye n'étaient que de simples travailleurs. Oui, qui ont été victimes de véritables chasses à l'homme et de nombreux lynchages. Autre mensonge, dès le début de l'intervention militaire de l'OTAN, on a prétendu que les soldats de Kadhafi, terrorisés par les bombardements, ne tarderaient pas à faire défection et à rejoindre la rébellion. En fait, il faudra plus de 8 mois de bombardements quotidiens pour venir à bout du régime et de ses fidèles, sans pour autant assurer la paix, puisque la situation actuelle de la Libye est plus chaotique que jamais. Enfin, ça, on en reparlera. Ça veut dire en tout cas que Kadhafi, malgré la férocité du régime, bénéficiait encore de nombreux soutiens. Et ça tient à l'organisation tribale de la société libyenne. Mais je n'y reviens pas, car nous en avons longuement parlé la semaine dernière. En réalité, s'il était sans doute nécessaire et même juste de venir au secours des rebelles libyens, il apparaît que l'intervention franco-britannique a été mal préparée. Trop vite préparée? Oui, et sans avoir sollicité l'avis des gens qui connaissaient bien le terrain. Et les hommes, je vous donnerai un autre exemple. Les promoteurs de l'intervention militaire ont soutenu que les dirigeants du CNT, que nous aidions, étaient des libéraux et des laïcs. Ce sont pourtant les mêmes dirigeants qui ont prôné l'établissement de la charia après la victoire. Enfin, et ça a été un secret de Polichinelle, contrairement aux directives du Conseil de sécurité de l'ONU, les opérations militaires n'ont pas seulement été aériennes. Des hommes, des forces spéciales ont agi au sol. Des Français, des Britanniques, mais aussi des Qataris. Ouais, l'allié arabe. Qui a été très actif en Libye. Et très généreux. Mais enfin, forcément, l'aide que le Qatar a apportée aux insurgés libyens, tant en fourniture d'armes qu'en argent, n'est pas allée aux mouvements les moins islamistes. Ouais, comme en Tunisie et en Égypte. Et aujourd'hui en Syrie. Alors, terminons-en rapidement avec l'aspect purement militaire de cette affaire. Le vrai tournant, ça a été la chute de Tripoli au mois d'août. Un soulagement pour nos stratèges, car ils commençaient à douter. Et puis ensuite, bien sûr, il y a eu en octobre la mort de Kadhafi. Et par conséquent, la fin des opérations de l'OTAN. Depuis cette date, la Libye est donc livrée à elle-même. Et c'est la plus grande confusion qui y règne. À cause de l'omniprésence des milices armées. Et des conflits tribaux qui perdurent, au nord comme au sud. En février-mars de l'an passé, des affrontements entre tribus arabes et noires ont provoqué la mort d'une centaine de personnes. Autre exemple de cette anarchie, en novembre 2011, le fils de Kadhafi promis à lui succéder, Saif al-Islam, a été capturé par les anciens insurgés de la ville de Zindan, qui sont restés sur le pied de guerre. Mais ils refusent de le transférer tant aux autorités de Tripoli qu'à la Cour pénale internationale qu'ils réclament. Ouais. Le désordre, donc. Il y a pourtant eu des élections législatives. En juillet 2012, oui, grosso modo, deux grandes forces s'affrontaient. les prétendus libéraux d'abord, ceux qui plaidaient pour la fondation d'un régime démocratique ouvert et l'instauration d'une économie de marché. Ouais, ces hommes qui étaient déjà représentés au sein du CNT. Hein. Par un homme comme Gibril, dont je vous ai parlé lors de notre précédent entretien. Mais ces gens n'étaient pas très populaires. Ils étaient généralement considérés comme des opportunistes. Ah bah, ce qui n'était pas tout à fait faux, puisque c'était souvent des rebelles de la dernière heure. Hein. Et en face, alors, quelle autre force ? Le groupe des islamistes, où l'on trouvait pêle-mêle des djihadistes, des salafistes et des proches des frères musulmans. Mais ce qui comptait surtout, c'est que ce rassemblement, plus ou moins hétéroclite, regroupait l'essentiel des milices armées. Ouais, une force importante, donc. L'enjeu du scrutin était par conséquent considérable. Mais le résultat de ces élections pour l'Assemblée appelée Congrès National Général, CNG, a été trompeur et n'a guère fortifié la démocratie, bien au contraire. Car si on assiste à la victoire de l'Alliance libérale dirigée par Mahmoud Djibril sur le parti des frères musulmans. Une victoire qui a dû rassurer les Occidentaux, là. Évidemment. Et bien pourtant, quelques semaines plus tard, la nouvelle Assemblée nationale s'est choisie pour président un islamiste modéré, Mohamed Megharieff, alors que son parti n'avait obtenu que 3 sièges aux législatives. Et en septembre, c'est Mustapha Abou Chagour qui est nommé Premier ministre avec 2 voix d'avance sur Djibril. Ouais. Mais qui est ce Chagour, hein ? C'est un intellectuel, un chercheur qui a quitté la Libye en 1980, a fait toute sa carrière dans les États du Golfe et n'est revenu dans sa patrie qu'en 2011. Un mois plus tard, il sera d'ailleurs remplacé par Al-Zaydan, l'un des membres du CNT, un diplomate qui appartient donc au camp des libéraux. Ce qui ne l'a pas empêché de déclarer d'emblée qu'il se conformerait à la charia et que l'islam resterait la source de son inspiration, tout en affirmant que sa priorité serait le rétablissement de la sécurité. Mmh. Alors que penser de cette confusion et de cette instabilité ? Il paraît clair que les élections n'ont rien réglé. Les rivalités locales ou tribales l'emportent sur ce clivage artificiel entre islamistes et libéraux. Mmh. Et ça n'augure rien de bon. Hein. D'autant que certaines régions s'estiment mal représentées au sein du Congrès national général. C'est le cas en particulier de la Cyrénaïque, alors qu'elle est à l'origine géographique de l'insurrection. Un nouveau facteur de discorde ? Oui, et dans ces conditions, la rédaction de la future constitution, qui doit en principe être la principale tâche de l'Assemblée élue en 2012, s'avère singulièrement ardue. Car une nouvelle ligne de fracture est apparue à l'occasion de la discussion à la fin 2012 d'un projet de loi qui doit déterminer l'ampleur que prendra l'épuration des anciens du régime dans les rangs de l'administration. Ouais, bref, que choisir, la revanche ou la réconciliation ? C'est exactement ça. Et les partisans de la réconciliation mettent en avant le désastreux exemple irakien. Expliquez. Là-bas, les Américains ont purgé l'État de toute l'administration sunnite qui existait sous Saddam Hussein pour y installer les vainqueurs chiites. Des hommes sans aucune expérience qui ont conduit le pays à l'anarchie qui prévaut aujourd'hui. Cette question de l'épuration est devenue d'autant plus sensible que les milices libyennes y voient un moyen de prendre le pouvoir. Les milices qui exigent, j'imagine, l'épuration. Bien entendu, en expurgeant les institutions et donc en éliminant tous ceux que vous avez appelés vous-même les rebelles de la dernière heure, les milices entendent provoquer de nouvelles élections et prendre enfin possession de l'Assemblée. Mmh. Et ces représentants des milices-là, peuvent-ils réellement gagner en exploitant cette question ? En tout cas, ils font tout ce qu'ils peuvent. Pour montrer leur force, les anciens insurgés, les Touaregs expriment leur mécontentement à la moindre occasion. Régulièrement, ils font le siège de certaines administrations avec leurs pick-up hérissés de mitrailleuses ou de canons anti-aériens. On a vu ainsi soumis à cette pression le bureau du Premier ministre, le siège du Parlement, ou encore fin avril, pendant 3 jours consécutifs, le ministère des Affaires étrangères, censé être un repère d'anciens du régime Kadhafi. Mmh. Mais obtiennent-ils les résultats, là, ces Touaregs ? Fin mai 2013, ils ont réussi à pousser Mohamed Megharieff, le président du Parlement, à la démission. Et il est maintenant visé par la loi de bannissement. Mais d'autres responsables pourraient suivre. Plus que jamais, ces milices sont toutes puissantes. Exemple spectaculaire de l'anarchie qui règne en Libye. L'attentat le 11 septembre 2012 contre le consulat américain de Benghazi au cours duquel l'ambassadeur a été tué. Commentaire d'un spécialiste du pays, Patrick Mzadeh, dans Le Monde diplomatique. Le grand perdant est le reste du peuple libyen dont la participation élevée au scrutin du 7 juillet, 60% de participation, témoignait pourtant des attentes qu'il avait placées dans le processus électoral. Environ un an après la chute du régime Kadhafi, la dégradation du climat sécuritaire et de leurs conditions matérielles de vie, l'inexistence de l'État et les actions des salafistes, dont l'immense majorité des Libyens ne partagent pas l'idéologie, ne les incitent plus guère à l'optimisme. Le repli sur les identités locales risque donc de se renforcer. À court terme, la marge de manœuvre du Premier ministre, pressé par Washington d'agir avec détermination contre les responsables de l'attaque de leur consulat, semble fort étroite. Ne disposant pas d'unités militaires fiables, ayant une bonne connaissance du terrain montagneux où évoluent les hommes du cheikh Omar Abderrahmane, soupçonnés d'être impliqués, il risque d'être contraint de jouer les supplétifs dans des opérations conjointes avec eux. Avant de poursuivre, je vous propose de faire le point sur l'existence de ces milices armées qui font aujourd'hui l'appui et le beau temps en Libye. Ces brigades ou katibas sont formées de tiwars. Et rappelons que c'est ainsi que s'appellent les insurgés. Hein. Oui, ou révolutionnaires, comme ils aiment à se nommer. Ce sont donc en principe des gens qui ont activement participé à l'insurrection, puis à la chute de Kadhafi. Et qui n'ont pas rendu leurs armes. En effet, de la même façon, pour la plupart, ils refusent d'être incorporés dans la police qu'ils jugent infestée de kadhafistes. Ce qui est certain, c'est que ces milices pullulent. Dans certaines grandes villes, il en existe une par quartier. Alors, combien sont-elles? Personne ne le sait exactement. Sans doute des centaines. Autre caractéristique, ces milices ne sont pas toutes de la même taille et certaines sont de petites armées et jouent un rôle démesuré comme celle de Misrata ou de Zintan, par exemple. Ce sont donc des micro-États dans l'État. Et le pouvoir central essaie, mais sans grande efficacité, de les contrôler ou de les intégrer. Ouais, c'est-à-dire l'incorporation de l'armée ou la police. Mais même quand ce processus est accepté, leurs membres, désormais payés par l'État, n'obéissent qu'à leur chef. Donc ça ne change rien. Non, puisque si leur chef le leur demande, ces tiwars peuvent s'attaquer aux institutions de l'État et à ses représentants. Et qu'en est-il de la pénétration islamiste dans ces milices? Il faut faire la différence entre deux types de milices. Je vous l'ai déjà dit, la Cyrénaïque a toujours été historiquement influencée par le salafisme. Donc, les milices qui s'y trouvent sont parfois composées de djihadistes purs et durs, prêchant le califat mondial sur le modèle d'Al-Qaïda. Et ce sont ces groupes qu'on trouve aussi ailleurs qu'en Cyrénaïque qui ont mené des attaques contre des objectifs occidentaux ou des mausolées soufis. Ouais, des mausolées qui ne seraient pas conformes à la pureté de l'islam. Hein. Oui, ces groupes salafistes tels que la milice Ansar al-Sharia sont issus d'une nouvelle génération et rassemblent des combattants bien armés et aguerris dont certains ont fait leurs armes dans les maquis d'Irak et d'Afghanistan avant de rejoindre l'insurrection dès février 2011. Ils ont été de tous les combats jusqu'à la chute de Sirte et quelques-uns ont été ensuite intégrés au sein de la brigade bouclier de la Libye, chargée de mettre fin au combat entre les Toubous et tribus arabes locales. C'est cette milice, Ansar al-Sharia, qui a été accusée d'avoir fomenté l'attentat contre le consulat états-unien de Benghazi. Oui, et provoquant l'hostilité des habitants, elle finira par être expulsée des casernes qu'elle occupait à Benghazi. L'autre type de milice n'est pas moins islamiste. Mais ses membres sont d'abord nationalistes. Alors eux ne prônent pas l'instauration d'un califat mondial. Et dans une certaine mesure, ils prêtent une oreille plus attentive aux propositions du pouvoir qui veut les incorporer. C'est le cas en particulier du groupe islamique de combat libyen dirigé par Abdel Hakim Belhadj. Pourtant issu des rangs du djihad en Afghanistan à l'époque de la guerre contre l'armée rouge. Ouais, c'est un personnage qui a beaucoup inquiété en Occident. Hein. Et surtout quand il prendra le commandement des opérations dans le Jebel Nefoussa, puis à Benghazi, Misrata et à Tripoli même. Mais Belhadj a mis de l'eau dans son vin, si j'ose dire. Oui. Ce proche du Qatar s'est reconverti en politique et son but est maintenant la reconstruction de la Libye. Quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, le pays est plus que jamais divisé en une multiplicité de bandes armées, parfois excessivement dangereuses, que le pouvoir est impuissant à juguler. La preuve en quelques épisodes récents. Ouais, je vous écoute. Hein. Fin janvier 2013, les Occidentaux évacuent Benghazi, qui est entièrement aux mains des brigades. En mars 2013, tentative d'assassinat du président du Congrès général national. En avril 2013, attentat contre l'ambassade de France à Tripoli, qui ne fait heureusement que 2 blessés. Puis en mai, le Parlement et les ministères sont assiégés par des miliciens. Toujours en mai 2013, un attentat à Benghazi provoque la mort d'une quinzaine de personnes. Enfin, en juin 2013, un dirigeant du Conseil de la Cyrénaïque, cousin de feu le roi Idriss, proclame l'autonomie de cette riche région pétrolière de l'est de la Libye. Il me semble avoir lu quelque part que la situation de la Libye était en voie de somalisation. Et ce néologisme me paraît malheureusement correspondre à la réalité du terrain, car on se trouve devant un cercle vicieux. La présence et l'activité des milices interdisent la constitution d'un véritable État. Mais en même temps, la faiblesse de ces États encourage le développement et la montée en puissance de ces brigades armées. Et puis, encore plus préoccupant, il semble bien que la Libye soit devenue la base arrière du terrorisme. Vous voulez parler d'Al-Qaïda, là, et surtout de sa filiale maghrébine, ACMI. L'insurrection libyenne, puis l'intervention militaire occidentale en mettant à mal toutes les institutions étatiques, a non seulement permis l'ouverture des arsenaux du pays et le pillage des armes, mais elle a permis à ACMI de disposer désormais d'une nouvelle base arrière. Base arrière dans le sud libyen. Oui, qui est devenue un véritable sanctuaire du terrorisme, comme il en existe en Somalie ou dans les zones tribales du Pakistan. Or, et si je ne veux pas défendre Kadhafi, mais quand il était encore au pouvoir, le guide voyait l'islamisme comme le seul danger qui puisse mettre un terme à son règne. Par conséquent, il faisait surveiller étroitement les frontières du Sud. Par où pouvaient s'infiltrer justement les islamistes? Et en particulier, oui, ceux d'ACMI. Avions de chasse, patrouilles motorisées, gigantesques champs de mines devaient repousser d'éventuels intrus. Et c'était efficace? Oui, seuls quelques produits de contrebande destinés à la consommation locale pouvaient passer. Donc la fin de Kadhafi a signé l'arrêt de cette surveillance? Naturellement, puisqu'il n'y a pratiquement plus d'État en Libye. Donc ACMI s'est progressivement infiltré dans le sud du pays. C'est d'autant plus vrai qu'à partir de la fin 2012, certains éléments terroristes, parmi les plus lucides, pressentant l'opération française à venir au Mali, avait déjà trouvé refuge dans le sud libyen. Cependant, plus largement, la destitution précipitée de Kadhafi a eu de graves conséquences dans toute cette région du Sahel. Mais quand vous parlez de précipitation, là, vous insinuez aussi que rien n'avait été prévu pour pallier ces graves conséquences. Vous m'avez parfaitement compris. Il vous faut d'abord savoir que Kadhafi, à sa façon, était une sorte de juge de paix, comme on dit chez les truands dans la région sahélienne. Juge de paix, vous exagérez ou vous oubliez toutes ces tentatives de déstabilisation chez ses voisins. Oui, vous avez raison, bien sûr, mais ça, c'était le passé. Kadhafi, dans les années 2000, veillait à assurer une relative tranquillité dans la région et surtout à tenir à distance les terroristes islamistes. Et comment procédait-il alors? Ah ben, il arrosait. Oui, pardonnez-moi cette expression un peu vulgaire, mais telle était la vérité. Grâce à un généreux fonds d'investissement pour l'Afrique, Kadhafi soutenait des projets ou s'interposait comme médiateur dans les conflits armés de la région. Ouais, donc en payant. Oui, vous savez que l'argent permet de cicatriser bien des plaies. En tout cas, avec la chute de Kadhafi, ben la source s'est tarie d'un seul coup. Et ça a eu forcément des conséquences. Au Mali en particulier, qui a été choyé par le guide libyen. Mais en ce qui concerne le Mali, là, il y a eu aussi le retour des Touaregs qui avaient trouvé refuge en Libye. Et dont certains assuraient la sécurité du guide. Et ça n'a pas traîné. Dès le mois d'octobre 2011, on a assisté à la fondation du MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. L'Azawad, c'est le nord du Mali. Hein, oui. Ouais. Une organisation qui va faire alliance un peu plus tard avec des groupes islamiques proches d'ACMI. Mais vous connaissez cette histoire. Oui, mais ces Touaregs n'étaient pas partis de Libye les mains vides. En septembre 2011, on a découvert avec effarement que plus de 10 000 missiles sol-air portatifs avaient disparu. Je ne sais plus qui a dit qu'il y avait en Libye de quoi armer toute l'Afrique. Donc ces Touaregs se sont servis. Et au cours du premier trimestre 2012, se sont emparés sans difficulté du nord du Mali. D'autant plus facilement qu'en face, l'armée malienne, divisée par un putsch, était incapable de leur résister. Mais encore une fois, c'est un épisode dont nous avons déjà longuement parlé. En tout cas, il est certain que même si tous les éléments de la crise existaient avant l'insurrection libyenne, c'est vraiment celle-ci qui a précipité les événements au Mali. Oui, seule l'intervention militaire française a permis d'empêcher que le Mali tout entier ne tombe. Et paradoxalement, c'est un juste retour des choses, puisque Paris était en partie responsable du désordre qui régnait en Libye. Et je vous propose pour finir de voir justement quelles ont été les relations de la France avec la Libye. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Nous allons donc parler de la France et de la Libye. En préambule, je vous propose un extrait d'un article du Monde d'août 2011, signé Nathalie Nougueyrède, et titré, je cite, « Le chef de l'État a fait de l'intervention en Libye un combat personnel ». Extrait donc. L'histoire Sarkozy-Kadhafi a été celle d'un rapprochement spectaculaire, avant de sombrer dans la confrontation. Il y eut l'entichement initial du président français en 2007 à l'idée de gérer le dirigeant libyen. Il était décidé à réussir là où d'autres avaient échoué. Ce fut l'affaire des infirmières bulgares, avec toutes ces zones d'ombre, et les voyages à Tripoli de l'épouse du chef de l'État. On pouvait difficilement rendre les choses plus personnelles. Un télégramme diplomatique américain daté de janvier 2008 et obtenu par Wikileaks relevait ce trait. Nicolas Sarkozy croit que l'effort pour amender des bad guys comme Kadhafi en vaut la peine. Après la rocambolesque visite à Paris du chef de la grande Jamaïria, Nicolas Sarkozy se détourne vite. Il a conclu que son interlocuteur était dingue. Il l'a répété à bien des interlocuteurs pendant les opérations en Libye. Les relations de notre pays avec la Libye ont toujours été tumultueuses. Après la fabuleuse vente de plus de 80 mirages à Tripoli en 1969, les rapports s'écrisent rapidement, car Kadhafi ne cesse de se mêler des affaires de ses voisins. Et Paris devra venir militairement au secours du Tchad, hein, victime des appétits du guide libyen. À cette époque, vers la fin des années 70, le pouvoir français a même pensé très sérieusement à l'éliminer physiquement. Changement d'attitude avec l'élection de Mitterrand. Mais celui-ci aussi devra croiser le fer avec le Libyen. Kadhafi, à cause du soutien qu'il offre à plusieurs mouvements terroristes, est alors la bête noire de l'Occident. Et le président Reagan, à son tour, essaiera de le liquider. Et ça, c'est le raid aérien sur Tripoli en 1986. Et la résidence de Kadhafi. Ce dernier accusé d'avoir commandité deux attentats contre des avions de ligne et mis au ban des nations et la Libye fait l'objet de mesures internationales d'embargo. Mais Kadhafi, qui acceptera d'indemniser les victimes des attentats sans toutefois reconnaître sa culpabilité, redevient fréquentable et suscite toutes les convoitises. Oui, car la Libye, grâce à sa rente pétrolière, est très riche. Alors, ne parlons que de la France. Dès 2004, Jacques Chirac débarque à Tripoli avec une palanquée d'industriels. Et un an plus tard, c'est son ministre de l'Intérieur qui fait le voyage. Nicolas Sarkozy. Oui, la visite a été préparée par son directeur de cabinet, Claude Guéant. Et déjà, c'est un certain Ziad Takieddine qui a joué les intermédiaires. Et quel est l'objectif de ce voyage de 2005, là ? C'est curieusement, car après tout, Sarkozy n'est que ministre de l'Intérieur, c'est la mise au point de contrats d'armement et de sécurité. C'est sans doute à ce moment que sera évoquée la vente du programme Homeland Security Program, un système d'espionnage qui permettra aux guides libyens de mieux surveiller et réprimer ses opposants. Mais c'est un programme conçu et vendu par une société française. Hein? Amesis, une filiale du groupe Bull. Mais, et quand on découvrira l'affaire après la chute de Kadhafi, ce sera le scandale. Car il apparaît que la France a donné un coup de main au système totalitaire libyen en renforçant ses capacités d'espionnage de sa population. J'ajoute que, bien entendu, l'intermédiaire Taqieddine a touché à l'occasion des millions d'euros de commission. Le second épisode dont il me faut vous parler, c'est bien évidemment l'affaire des infirmières bulgares et l'intervention française dans son dénouement. Je ne reviens pas sur les faits eux-mêmes, puisque je les ai évoqués dans notre précédent entretien. Ouais, cette monstrueuse et fausse accusation contre des infirmières et un médecin palestinien convaincu d'avoir transmis le virus du sida à des centaines d'enfants. Hein. Une remarque d'abord. La France n'était en rien concernée. Oui, oui, mais enfin, il y avait un objectif humanitaire là, à accomplir. Hein. Certainement. Hein. Cependant, sans être mauvaise langue, je crois que Sarkozy a surtout vu, 3 mois après son élection, une occasion de faire un coup d'éclat sur la scène internationale. Mais aussi la possibilité de signer des contrats fructueux avec la Libye. Parenthèse. Là aussi, l'intermédiaire Taqieddine a joué sa partition en mettant en avant les excellentes relations qu'il entretenait avec les dirigeants libyens. Donc pour vous, dans cette opération, il y a un coup de pub, hein, appelons ça comme ça, et des visées purement commerciales. C'est certain. Après la libération des infirmières en juillet 2007, la France signe un important accord de coopération militaire et de défense avec la Libye pour, d'après Paris, un montant mirifique de 10 milliards de dollars. On voit le détail dans un instant, mais il faut d'abord préciser que Kadhafi n'a pas lâché gratuitement les infirmières. Il a fallu lui payer une rançon de 460 millions de dollars. Et curieusement, il s'agit du montant total qui a été versé par la Libye aux familles victimes de l'attentat du vol UTA en 1989. D'accord, mais alors, qui a payé cette rançon-là? Pas la France, naturellement, mais assez curieusement, le Qatar. Ah, le Qatar, mais pourquoi? Il s'est agi d'un très étrange marché à trois. Le Qatar a payé la facture. En retour, Kadhafi a promis de conclure avec la France un certain nombre de contrats civils et militaires. Et Paris, pour remercier le Qatar, s'est engagé à faciliter les investissements de l'Émirat dans l'Hexagone grâce à une extraordinaire convention fiscale qui exonérera les plus-values réalisées à cette occasion. Ouais, c'est en effet très curieux tout ça. Alors qu'en est-il du fabuleux contrat passé avec Kadhafi, hein? Eh bien, si vous me passez l'expression, Sarkozy s'est fait rouler. Et cela malgré le spectaculaire et grotesque voyage de Kadhafi à Paris en décembre 2007. Il attend dans les jardins de l'hôtel Marie. Alors, écoutez bien. Il était prévu la vente de 100 millions d'euros de missiles, la remise à niveau des Mirage F1 vendus par la France en 1969, plus une multitude de contrats avec des sociétés privées militaires françaises qui auraient dû entraîner la garde prétorienne de Kadhafi. Ça, c'est plus embarrassant. Et certaines de ces sociétés seront encore présentes en Libye, peu de temps avant l'intervention militaire franco-britannique du printemps 2011. En outre, bien sûr, il était question de la vente de chasseurs Rafale. Ouais, toujours invendu à l'exportation. Hein. On évoque même une coopération dans le domaine du nucléaire civil, contre d'ailleurs l'avis de la patronne d'Areva, Anne Lauvergeon. Toutefois, bien vite, la baudruche va se dégonfler et au final, seules seront conclues quelques ventes de missiles Milan anti-chars. On est loin des 10 milliards de dollars, là. Et il est certain que Sarkozy a vécu cela comme une rebuffade. Il n'avait certainement pas digéré non plus l'humiliation que lui avait fait subir Kadhafi lors de sa visite à l'Élysée. Et si vous y ajoutez l'hostilité de Kadhafi pour l'un des grands projets du président français, l'Union pour la Méditerranée, ça fait beaucoup. Est-ce que ces déceptions personnelles suffisent à expliquer pourquoi Nicolas Sarkozy a décidé de se débarrasser de Kadhafi? Bien sûr que non. Si on y réfléchit bien, on peut trouver d'autres raisons, encore personnelles d'abord. Sarkozy se voyait bien dans la posture du sauveur de l'honneur des vieilles nations européennes. Et si Mitterrand n'avait pas su éviter le massacre de Srebrenica en 1993, lui, aiguillonné par BHL, ferait tout pour éviter celui de Benghazi. Puis, on peut aussi trouver des motivations relevant de la politique intérieure. C'est-à-dire ? Il fallait rattraper le mutisme et l'immobilisme de la France face à la révolution tunisienne. Oui, la fameuse gaffe d'Alliot-Marie. Qui a été virée et remplacée par Juppé. Sarkozy pensait peut-être aussi faire remonter sa cote d'estime dans l'opinion publique un an avant la présidentielle. Oui, la posture de chef des armées. Oui, également, mais moins avouable, cette guerre pouvait enfin faire décoller à l'exportation les ventes du Rafale de Dassault. Ah oui, afin de procéder à une démonstration grandeur nature de ses performances. Et dans les milieux aéronautiques, on avait encore en mémoire l'exemple de la guerre des six jours en 1967, qui avait boosté les ventes du Mirage 3. Puis il y avait le pétrole libyen, non ? Et, mais le français Total était déjà très engagé en Libye, même si Taqiyedine, toujours lui, essayait de signer de nouveaux contrats d'exploration dans des zones encore vierges. Et à ce propos, on s'est beaucoup interrogé sur la mort suspecte de Choukri Ghanem, ancien ministre du pétrole, retrouvé mort dans le Danube en avril 2012. Enfin, je ne peux pas en dire plus. Enfin, bien sûr, dans les motivations de Sarkozy pour éliminer Kadhafi, il y a ces graves soupçons sur le financement de sa campagne électorale de 2007. On a parlé de sommes considérables. Mais Sarkozy et ses proches ont nié et ont accusé le site Mediapart d'avoir publié de faux documents. Mmh. Mais votre avis alors ? Si réellement il y a eu financement, pourquoi Kadhafi, alors qu'il le pouvait encore, ne s'en est pas servi contre Sarkozy ? Mais ce qui n'a pas été le cas de son fils, Saïf al-Islam. Certes, mais il faudra des preuves. Et tenez, moi ce qui me trouble le plus, c'est la façon dont a été traité Béchir Salé par la France. Ouais, rappelez-moi qui est ce Salé. Salé, c'était le monsieur tiroir caisse de Kadhafi, celui qui connaissait tous les secrets financiers du régime et distribuait la manne du guide. Eh bien, alors qu'il était recherché par Interpol, il a été exfiltré de Tripoli par les services français. Ensuite, il a été protégé sur le territoire français jusqu'au jour où sa situation devenant trop brûlante, on l'a gentiment conduit jusqu'à la passerelle d'un jet qui s'est sans doute envolé vers l'Afrique. Ouais. Et vous vous interrogez, pourquoi tant de mansuétude ? Parce qu'il est évident que M. Salé en sait beaucoup. Je ne vois pas d'autre explication. Je vous rappelle les titres des livres que j'ai consultés. « Au cœur de la Libye de Kadhafi » de Patrick Hemzadeh, « Sahélistan de la Libye au Mali au cœur du nouveau djihad » de Samuel Laurent, et enfin un livre qui vient de paraître, « Sarkozy-Kadhafi, histoire secrète d'une trahison » de Catherine Grassier. La journaliste revient dans une enquête fouillée sur les soupçons assez plausibles d'un financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. À samedi prochain, et en attendant, si vous êtes dans la région, rendez-vous cet après-midi et demain au Salon du Livre Les Mots Doux à Besançon. Sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette émission. Rebecca de Nantes l'a préparée, Michel Biou l'a réalisée et Monsieur Djoub lui a ajouté ses notes de musique. Et tout de suite après le flash, au de mon amour de Denis Chessou.